À l'occasion du cinquantenaire de l'école Kumson et de l'école secondaire numéro 1 Kumson, l'exposition des réalisations pédagogiques et scientifiques a eu lieu le 31 octobre dans l'hall de sciences du Palais des enfants de Mangyongdae. Ils sont exhibés des fruits pédagogiques, artistiques et scientifiques obtenus par le personnel enseignant et administratif et les élèves de ces écoles, entourés de l'amour et de la confiance des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un.